Chapitre 13e, vers l'aimé. Roselin et Guillaume, escortés de Sulpice, brûlaient le pavé. Aussi arrivèrent-ils tôt à la petite maison où Hervé veillait le corps du comte de Trailles. Dominier était là également. Il avait fait, avant de quitter Toulouse, toutes les démarches nécessaires pour les obsèques du malheureux Huguenot, dernière victime de Mauvillier. Givry leur conta ce qui s'était passé à l'hôtel du lieutenant-gouverneur et donna à Pont-Réal connaissance de la lettre de la mère de Violaine. Désormais, Hervé était convaincu, et une joie indicible l'animait. Il pressait Belcoeur de partir pour le couvent des Visitandines de Muret, afin d'y aller chercher sa bien-aimée. « Vite, mon ami, disait-il, en route. Songez que chaque minute qui passe accroît les tourments de ma chère Violaine. Courons la consoler, la réconforter, lui apporter d'heureuses nouvelles. » Peu après, accompagné d'Hervé tout bouillant d'impatience, il prenait la direction de Muret. En route, le jeune amoureux ne tarissait pas de questions. Il demandait à son compagnon si on les laisserait entrer dans ce cloître sévère et fermé où Violaine s'était retirée loin du monde. « Mais oui, répondit Roselin, bien que peu convaincu de ce qu'il affirmait. « Ah, j'ai confiance en toi, Givry, mais autre chose. Ne crois-tu pas qu'il sera bien difficile de dire à Violaine qu'elle n'était la fille du sire de Briancourt, ni d'Urbain de Mauvillier? Pourquoi cela? Dame, c'est bien délicat d'aller apprendre à une jeune fille chaste que sa mère avait un amant. Certes, s'exclama Belcoeur, et j'y avais pensé. Aussi ne me chargerai-je pas de mettre Violaine au courant de ces événements scabreux. Il suffira de lui donner lecture de la déclaration qui te concerne. C'est la preuve qu'elle ne commettait aucun crime en t'aimant et en se laissant aimer de toi. Qu'elle a dû souffrir, murmura Hervé. Oui, atrocement, déclara Roselin avec compassion. Le billet qu'elle m'a envoyé avant d'entrer au couvent décèle un affreux état d'âme. Et délicate, réservée comme est Violaine, elle doit cacher, enfermer sa douleur, en pâtir plus cruellement encore. Oh, cette lettre! Je vous supplie de me la donner, mon ami, dit Hervé. Rien ne révèle mieux que ces lignes le caractère loyal et sensible de cet exquis enfant. Bon, nous verrons, dit Roselin avec bonhomie. Peut-être sera-ce mon cadeau de noces. Taisez-vous, s'écria Pont-Réal. Je n'ose encore me laisser aller à toute mon ivresse, à toute mon espérance. J'ai peur. De quoi donc? Je ne sais pas. Oh, pas de moi, certes. Je suis sûr de mon amour, de ma foi absolue en Violaine, mais j'appréhende le sort, les événements. La mauvaise fortune m'a tellement accablé déjà. Et précisément, elle a frappé sur toi à tour de bras et va maintenant te laisser en repos. Les deux cavaliers chevauchaient bon train. Tout en causant, ils continuaient leur allure endiablée. 3 heures après leur départ de Toulouse, ils approchèrent du terme de leur voyage. Il était 5 heures de l'après-midi. Le jour était voilé, doux, un admirable temps de fin d'automne dans ce riant paysage languedocien. À mesure qu'il gagnait vers Muret, Hervé éprouvait une secrète angoisse. Il lui tardait d'arriver, et en même temps, il redoutait le moment où il mettrait pied à terre, devant la retraite où pleurait sa bien-aimée. Roselin devinait ce qui se passait dans l'âme de son ami. Il l'en plaisantait, mais lui-même ressentait un trouble vague dont il se défendait avec peine. Et puis sa blessure le tracassait, quoiqu'il n'en dit rien, et il lui fallait beaucoup d'énergie pour se dominer. « Allons, allons, se disait-il, ce n'est point le moment de faire la femmelette. Voilà la dernière étape. Une fois Violaine retirée du couvent et unie à Hervé, j'irai me reposer à Pau, où notre bon roi Henri doit commencer à m'attendre. » Ils entrèrent dans Muret. La vieille ville, ruelle tortueuse et grise, était calme et presque déserte. Les cavaliers la traversèrent sans qu'on prêtât beaucoup d'attention à eux. Pour demander le chemin du couvent, Roselin ne savait trop à qui s'adresser. Il avisa enfin un brave sabotier qui rapetassait une paire de bottes et dont l'échoppe était presque sur la chaussée, avançant d'une maison comme une verrue sur un visage. « Le cloître, » répéta l'artisan, en se grattant le cou. « Je ne sais si vous pourrez y pénétrer, messire. Ne t'inquiète pas, l'ami, dis-moi seulement mon chemin. Voilà, vous continuez par ici, vous tournez la 2e rue à droite et tout au bout vous apercevez un grand parc clos de hautes murailles. C'est le jardin du couvent. Dès lors, vous n'aurez qu'à chercher la porte d'entrée qui se trouve sur la façade principale. « Bien, merci mon brave, » fit Roselin et Hervé. Ils leur mirent leur monture au trot. « Pour Dieu, » souhaita Pont-Réal, « pourvu que nous puissions entrer. » « Eh bien, » grommela Belcoeur, « Si l'on ne nous ouvre pas la porte, nous entrerons par le parc. Tiens, regarde, ce mur n'est pas d'une hauteur infranchissable. Avec nos chevaux, il nous serait facile d'en atteindre la crête. » Il longeait justement la muraille d'enceinte du couvent. En manière de plaisanterie, Roselin se dressa sur ses étriers et montra à Pont-Réal qu'il arrivait juste au chaperon du mur. « Bon, » fit Hervé rasséréné, « du moment que nous entrerons, peu importe si c'est par la porte ou par la fenêtre. » Ils arrivaient au bout du parc. Des bâtiments aux fenêtres barrées de gris apparaissaient, le cloître. Ils tournèrent le coin de la rue et à leur gauche virent la façade morne et triste des visitandines. Délibérément, ils sautèrent de cheval, tirèrent la poignée qui agitait la cloche de l'entrée. La porte au double bâton hermétiquement close avait un air hostile. Un silence mystérieux régnait derrière ces vantaux épais comme ceux d'une prison. Soudain, les deux gentilshommes aux écoutes purent percevoir un léger glissement et bientôt après, un Judas baissé derrière les grillages montrait un visage pâle et impassible de nonne. C'était la sœur Tourière. Sa voix calme et incolore demanda « Que désirez-vous, messire ?»« Entrez séant, madame, » répondit poliment Belcoeur. « Nos règles interdisent l'accès du couvent aux profanes, messire. Les religieuses vivent séparées du monde qu'elles ont volontairement quitté. »« C'est parfait, madame, » riposta Roselin avec un peu d'impatience. « Nous désirons voir précisément une jeune fille qui s'est retirée en ce lieu, mais n'est point religieuse encore. Qui donc, je vous prie ?»« Mademoiselle Violaine de Mauvillier. » À ce nom, et si peu qu'on montra l'ouverture grillagée, on eût pu voir tressaillir le visage de la nonne. Mais la nuit commençait à poindre, le Judas s'ouvrait sur un vestibule sombre et Givry ne remarqua point l'émotion soudaine de la Tourière. « Je ne connais point ce nom, » dit-elle enfin, d'une voix légèrement altérée. « Cela n'a d'ailleurs rien de surprenant, messire, car si cette jeune fille est entrée ici pour prendre le voile, elle a abandonné son nom mondain et adopté celui d'un bienheureux ou d'une sainte. » « C'est vrai, » murmura le capitaine. « Mais, madame, ne nous serait-il pas possible de voir la supérieure de cette maison, de lui parler ? Veuillez lui dire que nous venons de la part de monsieur de Mauvillier, le père de la jeune fille, lieutenant-gouverneur du Languedoc. » « Impossible en ce moment, messire, » répliqua hâtivement la Tourière. « Il se passe dans notre chapelle une cérémonie importante. La supérieure ne sera visible que demain. Veuillez revenir. » Et le guichet se referma vite en claquant. « Diable !» grommela Roselin. « La bonne sœur n'abuse pas des facilités que lui accorde le règlement en lui permettant de parler aux étrangers, à la communauté. En tout cas, dit Hervé, voilà que la porte d'entrée nous est interdite. Reste le mur, nous entrerons par escalade. » « D'ailleurs, la nuit tombe, ce sera facile. » Ils tournèrent bride, suivis par le bon Sulpice. Ils inspectèrent le mur d'enceinte du cloître et, à un certain endroit, virent dépasser un amas de troncs feuillus et proches de la muraille. « Tiens, » murmura Belcoeur, « ce bosquet paraît placé là à souhait. C'est par ici que nous entrerons. » Il fit approcher son cheval, l'immobilisa et, quittant les étriers, se dressa sur sa selle. Ses bras levés atteignaient le chaperon. Le capitaine y agrippa ses mains et prenant son élan, se haussa la force des poignets. Il put de la sorte enjamber la crête, s'y installa assis à califourchon et dit à demi-voix en riant « Voilà, attends que j'examine les lieux. » Il regarda dans le parc. Comme il l'avait pensé, les gros arbres formaient à cette place une manière de boqueteau épais qui cachait le mur à tout regard venu de l'intérieur. Belcoeur ne remarqua rien d'inquiétant. « À ton tour, mon ami !» Le jeune homme ne se fit pas répéter l'invite. Imitant la manœuvre du capitaine, il fut bientôt près de lui sur le mur, et le cœur battant d'émoi, il contempla le parc où vivait celle qu'il chérissait et qu'il venait arracher à Dieu. « Sulpice, commanda Givry, garde les chevaux et va te placer à quelque distance d'ici, mais pas trop loin, de façon à ce que tu puisses entendre notre appel et accourir aussitôt. »« Bien, messire !» Et Roselin modula doucement un sifflement qui pouvait passer pour celui du Bouvreuil. L'écuyer s'éloigna avec les montures. « Maintenant, attention !» fit Belcoeur à Hervé. « Il s'agit d'être prudent. Laisse-moi descendre. Je t'aiderai ensuite. Cramponne-toi solidement au fait et laisse-moi me servir de ta jambe comme d'une courte échelle. » Givry se laissa aller tout le long du mur. Puis saisissant la jambe pendante d'Hervé, il glissa et lâcha prise ensuite. Il n'eut pas un grand saut à faire pour toucher le sol très assourdi par des herbes touffues. « À toi » souffla-t-il. Hervé, à son tour, se laissa pendre le long de la muraille et sauta, retenu au passage par Roselin qui le posa doucement à terre. « C'est fait !» murmura Givry. « Tu vois comme c'est simple ?»« Oui, mais pour repartir, pour remonter. »« J'espère que nous pourrons ressortir par la grande porte. »« Bien !»